Chapitre 15. Quoique l'heure du dîner fût passée de 2 minutes et demie quand Agnès arriva, elle ne trouva qu'une très légère pointe d'aigreur dans l'humeur de sa tante, car, sous l'empire des délicieux souvenirs de son expédition du matin, elle était plutôt disposée à se glorifier qu'à gronder. « Eh bien, Agnès, j'espère enfin avoir à vous communiquer quelques nouvelles qui vous feront plaisir. Que direz-vous quand vous saurez que j'ai pris un abonnement de 6 semaines pour vous et moi ?» Un abonnement à quoi, tante? Au salon de lecture? Oui, là aussi, pour 1 mois. Et nous irons tous les jours, soit qu'il pleuve, soit que le soleil brille, afin que ce ne soit pas pour rien. Mais j'ai fait bien autre chose, ma chère. J'ai souscrit à tous les bals uniquement par amour pour vous, Agnès. J'espère que vous n'oublierez jamais ce que je fais pour vous. Mais, ma tante, j'ai peur que cela ne vous coûte beaucoup d'argent de m'emmener au bal. N'y étant encore jamais allé, je ne sais pas du tout ce que c'est, et je vous assure que je resterai bien volontiers à la maison. Et une jolie histoire que cela ferait en vérité. Je vous dis, mon enfant, que j'ai déjà donné l'argent. Mais tenez, voici les côtelettes. Mettons-nous à table, et tâchez d'avoir un peu de reconnaissance pour toutes mes bontés. John Ingham, la bière est-elle arrivée? Agnès s'assit à table et se mit à manger sa côtelette. Mais elle était rêveuse, car plus d'un souci pesait lourdement sur son cœur. Et bien que ses soucis fussent de peu d'importance, il faut lui pardonner, elle n'avait que 16 ans et demi. Et sa position n'était pas des plus faciles. Elle ne possédait ni une paire de gants ni une paire de souliers qui puissent figurer dans un bal, et elle sentait qu'elle n'oserait jamais ni en demander, ni s'en passer, ni refuser d'aller avec sa tante. « Clifton est certainement l'endroit le plus charmant que j'ai vu de ma vie, » dit la veuve en attaquant de réchef le plat de côtelettes. « Quelle boutique, quel modiste, et quant au salon de lecture, c'est une vraie galerie publique. Quel avantage de pouvoir aller tous les jours dans un endroit pareil. » Elizabeth Peters a l'air de connaître tout le monde. Je l'entendais parler de personnes de la plus haute volée, que nous devons, paraîtrait-il, rencontrer à ce bal. Quelle chance inouïe pour vous, Agnès, que d'être posée d'une pareille façon dans un endroit comme celui-ci. En effet, ma tante, c'est un superbe endroit, et les Peters sont des gens bien bons et bien charmants. Enfin, une fois dans votre vie, mon enfant, vous êtes satisfaite. Ah, ce n'est pas malheureux. Eh bien, j'aurai quelque chose à vous montrer, Agnès, une si belle écharpe. De la vraie blonde de France. C'est horriblement cher, j'en ai peur, mais tout le monde s'accorde à dire que la manière dont une jeune fille est posée dépend entièrement du genre de la personne qui lui sert de chaperon. Et il est bien certain que si j'étais pauvrement mise, je ne voudrais pas permettre à l'enfant de ma pauvre chère sœur de venir avec moi. Non, j'aimerais mieux m'enfuir. Je m'étonne que Mrs. Duval ne m'envoie pas mes affaires. Peut-être attend-elle ma toque. Elle va m'y ajuster mes plumes, ma nièce. C'est une grande faveur, je vous assure. Mais si vous saviez quelle déférence elle a montrée envers Elizabeth Peters. C'est un vrai plaisir de se trouver avec de tels amis, dit Agnès. Et peut-être. Peut-être quoi, mon enfant? Peut-être que si l'une de ces demoiselles n'allait pas au bal, vous seriez assez bonne, tante, pour me permettre de rester aussi, nous passerions si agréablement notre soirée ensemble. Oh mon Dieu, quelle patience! Vrai, là, Agnès, vous feriez damner un saint. Comment? Je vais m'inscrire pour les bals. Je paye en argent comptant vos billets avec les miens, et maintenant, ingrate créature que vous êtes, voilà que vous ne voulez plus y aller. Tenez, je voudrais seulement que les Peters vous entendissent, ils verraient quelle fille vous êtes. La seule raison que j'ai pour ne pas aller à ce bal, ma tante, dit Agnès, faisant un effort de courage désespéré, c'est la crainte que vous ne soyez obligé de m'acheter des gants et des souliers. Des gants et des souliers? Eh bien, voici précisément l'avantage d'être en deuil. Je vous donnerai mes bas de soie noire. Je vous les donnerai tous, excepté une ou deux des meilleurs paires. Et avec des bas de soie noire, je ne suppose pas que vous vouliez mettre des souliers blancs. Cela ressemblerait un peu trop à une pie, n'est-il pas vrai? Et quant aux gants, je ne vois pas pourquoi, en si grand deuil, vous ne porteriez pas de gants noirs. J'en ai là 2 paires que vous pouvez prendre. Je puis aussi vous prêter une vieille paire de souliers de satin noir à moi. Seulement, vous avez des pieds et des mains si peu en harmonie avec votre taille. Moi, j'ai toujours été considéré comme une perfection de proportion dans toutes mes formes. Mais vous, vos pieds et vos mains, sont absolument ridicules de petitesse. Vous tenez de votre père pour cela, et c'est un grand malheur, car vous ne pourrez pas profiter de mes souliers ni de mes gants, à moins que vous ne soyez assez habile pour les reprendre en dedans. Mais c'est ce dont je ne vous crois pas capable. Vous n'avez pas les doigts ni... Pourrais-je porter des manches longues? S'écria Agnès avec une grande animation, inspirée par un projet qu'elle venait de concevoir tout d'un coup et qui lui faisait espérer faire de ses vêtements noirs quelque chose de présentable. « Parce que vous n'avez pas de gants longs, j'imagine. Mais oui, mon enfant, je n'y vois pas d'objection, dans un aussi grand deuil que le vôtre. C'est un étrange caprice que vous avez eu là, Agnès, mais c'est certainement bien commode. Et me permettez-vous, ma tante, de me servir de tous les vêtements noirs que vous avez été assez bonne pour me donner ? Vous en servir ? Vous servir de tout ? Oui, je ne pense pas en reprendre en rien. Le principal désir de ma vie, Agnès, c'est d'être grande et généreuse, de toute manière, envers vous. Mais je ne puis comprendre ce que vous voulez dire par vous servir de tout. Vous ne pouvez porter tout à la fois. Non, ma tante, répondit Agnès en riant, ce n'est pas là ce que je veux dire. Mais si je puis prendre le crêpe qui recouvre presque en entier la plus belle de vos robes, j'ai idée que je pourrais ranger la mienne d'une jolie manière, car je voudrais faire la même chose que ce que j'ai vu l'année dernière à Hampton. Dites, le puis-je ? Oui, si vous voulez, mon enfant. Mais à vous dire vrai, je n'ai pas grande foi dans votre talent de couturière. Cependant, je suis contente que cela vous soit venu en tête, et si vous réussissez, il se pourra bien que je vous mette à travailler pour moi un de ces jours. J'ai beaucoup de goût, moi, pour ces sortes de choses, mais avec la fortune que j'ai, ce serait si souverainement ridicule de me voir faire autre chose que des ouvrages d'agrément. Non, emportez tout cela, John Ingham, et apportez les deux gâteaux au fromage. En voulez-vous un, Agnès ? Non, merci, ma tante. Quelle drôle de fille vous êtes ! Vous ne faites jamais attention à ce que vous mangez ? C'est bien, John Ingham, donnez-moi cette goutte de bière. Et maintenant, allez manger votre dîner le plus vite que vous pourrez, et priez la petite Katie de vous montrer le chemin pour aller chez Mrs. Duval, la modiste. Vous prendrez avec le plus grand soin la boîte à chapeaux que vous trouverez toute ficelée et toute prête sur mon lit, et vous me rapporterez ma nouvelle écharpe, ainsi que mes gants. J'ai hâte de vous montrer mon écharpe, Agnès. Oh, vous n'aurez pas honte de votre chaperon, c'est une chose que j'ai résolue. On était au samedi soir, et ce bal si important devait avoir lieu le mardi suivant. Aussi, dès que le dîner fut terminé, Agnès se hâta de se mettre à l'ouvrage. Elle avait bien une idée de l'ensemble de ce qu'elle voulait faire, mais elle se méfiait de son adresse pour les détails. À peine, cependant, avait-elle apprêté son aiguille et ses ciseaux que sa tante s'écriait « Bonté divine, mon enfant ! Vous n'allez pas vous mettre à travailler maintenant. Voyez, c'est le moment du jour le plus agréable, et je compte bien que vous allez venir vous promener un peu sous les fenêtres. Apprêtez-vous vite, ma chère, et mettez votre chapeau un peu en arrière. Vous êtes certainement très jolie, mais vous manquez de chic. Vous n'avez pas ce je ne sais quoi qui me rendait si remarquable à votre âge, et en vérité, cela ne se donne pas. Voulez-vous parier encore qu'à présent, votre tante attire plus de regards que vous ? C'est une honte, avec votre jeunesse. » Agnès se retira dans sa petite chambre, mais quand elle en sortit, son honnête chapeau était posé tout comme à l'ordinaire. Et vraiment, Mrs. Barnaby aurait pu se sentir découragée par le peu d'effet que faisait sa compagne, s'il n'avait eu conscience que sa toilette, sa personne et la manière toute spéciale dont elle avait relevé ses charmes formaient une compensation suffisante. D'ailleurs, elle n'eut à éprouver aucun désappointement sur l'impression qu'elle désirait produire. Personne ne passait sans adresser à ces dames un coup d'œil qui ne laissait aucune incertitude, et même plusieurs individus, cédant leur curiosité, les suivaient d'un œil assez persévérant pour devoir regarder par-dessus leur épaule après qu'elles avaient passé. Ceci déjà était assez flatteur, mais ce ne fut pas tout. Elles avaient fait environ une demi-douzaine de tours quand Mrs. Barnaby, dont les grands yeux erraient de tous côtés, découvrit tout au bout de la promenade deux messieurs qu'elle n'avait pas encore vus et qui se rapprochaient en marchant. Du premier coup d'œil, la veuve avait déclaré n'avoir de sa vie rencontré des jeunes gens aussi comme il faut. « Voyez donc, Agnès, ce grand jeune homme, c'est celui que nous avons guetté hier soir. Je le reconnaîtrai entre mille. » Agnès regarda et fut également convaincue. Les deux gentlemen approchaient, et Mrs. Barnaby elle-même n'eût pu désirer être examinée avec une attention plus suivie que celle que le grand jeune homme lui accorda en passant. Mais bien qu'elle en fût très flattée, elle s'aperçut fort bien aussi que le compagnon du jeune homme avait regardé Agnès avec une égale attention. Pour l'amour du ciel, Agnès, jetez donc cette abominable voile en arrière. Voilà qu'il commence à faire nuit, vous ne devez plus voir clair. Je vois très bien, ma tante, je vous remercie, répondit Agnès. Sotte, murmura Mrs. Barnaby. Mais elle réprima un froncement de sourcils dans la crainte de gâter l'harmonie de ses traits, et faisant encore trois fois le tour de la promenade, elle se délecta sous le regard que le grand jeune homme lui lançait chaque fois qu'elle passait devant lui. Le lendemain était un dimanche, jour d'une grande importance pour des étrangères non initiées encore à la société de l'endroit. Mrs. Barnaby s'était passionnément flattée de l'espoir que Mrs. Peters, ou au moins les jeunes personnes, étendrait leur patronage sur elle de façon d'abord à lui procurer un siège à l'église et de plus à lui nommer tout le monde. Mais elle se trouva désappointée sur ces deux points, car il avait été stipulé à ce sujet, entre Mrs. Peters, son fils et ses filles, que Mrs. Peters, consentant à supporter la veuve au bal, avait bien le droit de réclamer la paix pour l'église. Et ceci était si raisonnable que Marie, l'enfant gâté, s'y était soumise sans murmurer. Par conséquent, Mrs. Barnaby s'était trouvée livrée à ses propres conseils pour l'arrangement de son jour de sabbat. Heureusement pour la tranquillité de Mrs. Peters, la propriétaire du logement de Mrs. Barnaby, en réponse aux questions de cette dernière, avait dit que, suivant son opinion, des étrangères se trouveraient bien plus à l'aise dans la chapelle de Hodwells, qui était à une agréable distance, que dans l'église de la paroisse, toujours remplie par les familles de l'endroit, au point d'y être foulées. Ce fut donc à la chapelle de Hodwells que Mrs. Barnaby résolut d'aller, résolution qui l'entraîna à commander le thé une demi-heure plus tôt que d'habitude. « Aujourd'hui, Agnès, il faut vous faire aussi belle que possible, n'est-ce pas ? Je suis sûr que ces messieurs ne sont pas de Bristol. Ils sont si différents de tous les autres. Vous allez, bien entendu, mettre votre plus beau chapeau de crêpe et un de mes plus jolis cols de crêpe blanc, vous savez, avec un large ourlet. Il y en a un qui n'est presque pas sali. Nous rencontrerons certainement ces messieurs. » Quand son déjeuner fut terminé et qu'elle eut réitéré ses ordres, Mrs. Barnaby se mit à sa toilette. Et on peut dire que celle-ci fut élaborée. Elle y passa tant de temps qu'elle se trouvait fort en retard pour l'heure de la chapelle, mais sa toilette était si réussie qu'elle se moquait de tout le reste. La voilà donc partie avec une robe toute neuve de gros denimples d'un gris clair, un joli chapeau de paille de riz, tout garni en dessus et en dessous de boutons de pavot et de plus couverte à profusion des broderies les plus distinguées, toutes de son œuvre, sur ses manches, sur son col et sur son mouchoir. Sa figure, au trait régulier, quoique un peu fort, était à demi cachée sous les masses de ses boucles, soigneusement pommadées. Une large couche de carmin étendue sous ses yeux en relevait l'éclat, et toute sa personne répandait une forte odeur de musc. Telle était la personne auprès de laquelle Agnès était condamnée à se montrer dans la chapelle de Hodwells, toute remplie de monde. Si elle avait un peu plus pensé à elle, elle aurait pu espérer un contrepoids favorable, dans le contraste qu'offrait avec cette débordante splendeur sa forme mince, ses traits délicats, à peine visibles sous son voile épais, et le triste aspect de sa robe de deuil. Mais ce ne fut pas là ce qui la frappa. Elle se rappela tout d'un coup, en regardant Mrs. Barnaby, l'air et la tournure de sa tante Compton, tandis que la veuve l'apostrophait si violemment sur sa mise, lors de leur terrible rencontre à l'école du village, et elle ne put retenir un soupir, en pensant au bonheur qu'elle aurait eu à entrer avec elle dans une chapelle remplie de gens élégants. Mais tous les soupirs du monde ne pouvaient rien y changer, et elles se mirent en route ensemble, formant la paire la plus singulièrement appareillée qui se fût jamais vue. Elles entrèrent dans la chapelle, qui regorgeait précisément au moment où l'on terminait les psaumes. On les regarda et on les examina, mais avec l'attention que comportait la solennité du lieu, et au bout d'un certain temps on leur offrit des sièges. Néanmoins, Mrs. Barnaby fut désappointée. Ni le grand jeune homme, ni son compagnon, ni le major Allen, ni même quelqu'un de sa sorte, ne parut en récompense de sa peine et de son adresse. Elle lui sembla bien longue et bien fatigante la montée tant soit peu roide de la colline qui ramenait à la maison. Et le reste du jour se passa tristement car il pleuvait à verse. Pas un promeneur, pas même un pauvre endimanché, qui vint faire retentir l'écho musical des pavés que la veuve aimait à entendre sous ses fenêtres. Enfin, ce fut une journée perdue dans son existence, si ce n'est qu'elle sut découvrir encore un ou deux défauts à Agnès, et finit par se convaincre, à peu de choses près, que d'une manière ou de l'autre, c'était la faute de la pauvre enfant s'il pleuvait. Mais heureusement, en ce monde, rien ne dure, et Agnès finit par se trouver tranquillement dans son lit. Le matin du lendemain se leva tout brillant de soleil. La veuve aussi se leva en bénissant cette bienfaisante lumière, grâce à laquelle on allait la voir se diriger vers le salon de lecture, et vers la boutique du pâtissier, juste à l'heure du monde élégant. Fort heureusement pour le refacimento qu'Agnès voulait opérer elle-même, cette heure à la mode n'était pas très matinale, et avant que sa tante lui rappelât qu'elle devait se tenir prête à aller avec elle, ses draperies de deuil n'avaient pas mal avancé. L'idée qu'elle pourrait résister dans une semblable circonstance n'était heureusement jamais venue à l'esprit d'Agnès, et une fois encore, on la vit apparaître dans la partie la plus élégante de Clifton, comme une belle adonne à côté d'une rose trémière. ce jour-là, semblait avoir été accordé par le sort pour compenser les malheurs de la veille. En entrant dans le salon de lecture, Mrs. Barnaby s'était immédiatement assise devant le registre des souscriptions. Elle avait à peine achevé ses recherches que les deux gentlemen, le grand et le petit, entraient dans la salle. Une fois encore, il fut parfaitement avéré que le grand ne quittait pas la veuve des yeux et que le petit en faisait autant pour sa compagne. Le cœur de la veuve battit. Elle n'avait jamais oublié l'admiration évidente qu'avait montrée pour sa figure et ses manières son compagnon de voyage en venant de Silverton, non plus que l'effet glacial qui avait suivi l'apparition des traits calmes et délicats de sa nièce. Elle savait bien qu'Agnès était plus jeune qu'elle, peut-être même plus belle, mais ceci ne faisait que confirmer son opinion que pour tourner la tête à un jeune homme, une physionomie animée, des manières vives, réussissent mieux que la beauté toute simple. Ah, que n'avait-elle à ses côtés en ce moment une personne avec qui elle pourrait causer et rire, en découvrant ses grandes dents blanches, et sur laquelle elle pourrait darder les flammes de ses yeux étincelants. Impossible de compter sur Agnès en pareille circonstance. Elle savait que ce qu'elle lui dirait n'amènerait jamais qu'un « oui, ma tante » ou « non, ma tante », ce qui ne donnerait aucun prétexte pour se mettre à rire. Aussi, ne trouva-t-elle rien de mieux que d'élever à la hauteur de son œil un lorgnon tout récemment acheté comme pour chercher à reconnaître des passants qu'elle ne connaissait pas. Mais en faisant ce mouvement, elle s'arrangea de manière à mettre les bagues de son petit doigt en évidence et de temps à autre, elle jetait aux étrangers un regard comme Mrs. Barnaby seule savait en lancer. Au bout de quelques minutes de ce manège, les deux gentlemen rejetèrent le journal que chacun d'eux affectait de lire et sortirent. L'intérêt que mettait Mrs. Barnaby à feuilleter le registre des inscriptions s'évanouit du même coup, et après avoir négligemment jeté les yeux sur le dos d'un ou deux des livres dispersés sur la table, elle aussi quitta la salle et se mit à arpenter le pavé d'un pas digne et calme. Le moment qui suivit fut un des plus heureux de sa vie, car en détournant la tête pour regarder une mantille richement garnie qui venait de passer, elle aperçut, tout près, derrière elle, les deux mêmes jeunes gens. Pour le coup, c'était une aventure, et au bonheur indicible de la veuve, ce qui vint ensuite rendit l'aventure encore plus piquante. Une élégante boutique de pâtisserie très fréquentée était située presque au bout de la rue. C'était l'un de ces établissements que Mrs. Barnaby ne pouvait voir avec indifférence, pour deux raisons. D'abord, parce que ce genre d'Eldorado lui rappelait plus d'une tendre rencontre de sa jeunesse, où, en dépensant un sou, elle était sûre de se payer une demi-heure de galanterie de régiment. Et puis, parce que l'amour qu'elle avait reçu de la nature pour les gâteaux était inextinguible. Entrer dans cet endroit offrait à ces beaux jeunes gens l'occasion d'y suivre ces dames, si le cœur leur en disait, et ce fut précisément ce qui arriva. Heureuse Mrs. Barnaby. Elle ne s'était pas plutôt assise à côté du comptoir, avec une assiettée de gâteaux à la reine et de baf bun devant elle, que la lumière du jour, qui passant par la porte, répandait sa large splendeur sur son élégante toilette, se trouva tout à coup obscurcie. Elle releva la tête, et ses yeux rencontrèrent encore une fois d'abord le regard de l'un, et ensuite celui de l'autre, des deux gentlemen qui entraient ensemble dans la boutique. Agnès se tenait debout derrière sa tante, le visage tourné, sans intention, vers le comptoir, car lorsqu'une des filles de boutique lui présenta une assiette remplie d'échantillons variés, des pâtisseries les plus délicates, elle refusa, par un silencieux salut, d'en prendre aucun. Les deux messieurs passèrent devant les dames et allèrent s'installer à une petite table un peu au-delà, demandant des glaces. « Est-ce que vous avez des glaces ?» dit Mrs. Barnaby, ravie de trouver une occasion de parler. « Apportez-moi une, je vous prie. » Puis, confiante dans la discrétion bien connue de sa nièce, elle tourna sa chaise de façon à faire face à la fois Agnès et aux deux jeunes gens, et dit avec un accent plein de bonté « Agnès, mon amour, voulez-vous prendre une glace ?»« Non, merci, ma tante, » fut la réponse prévue. « Alors asseyez-vous, ma chérie, voulez-vous, pendant que je vais prendre la mienne ?» Le plus jeune des deux gentlemen, se levant immédiatement, présenta sa chaise à Agnès. Celle-ci le salua poliment, se dirigea vers un banc qui était posé de l'autre côté de l'étroite boutique et s'y assit. Mais Mrs. Barnaby, adressant au jeune homme le plus gracieux de ses sourires, lui dit, en saluant très bas, « Merci, monsieur, vous êtes mille fois bon. » Le jeune homme salua de nouveau, se rassit, finit sa glace en silence, et quand son compagnon eut aussi fini la sienne, ils déposèrent chacun six peines sur le comptoir et se retirèrent. « Qui sont ces gentlemen, s'il vous plaît? Savez-vous comment ils se nomment? dit vivement Mrs. Barnaby à la fille de boutique. « Le grand est le colonel Herbert, madame, et l'autre, le jeune, M. Stephenson. »« Stephenson, » répéta la veuve comme en elle-même. « Stephenson et Herbert. Je suis sûr d'avoir déjà entendu ces deux noms. » « Sir Edward Stephenson a épousé samedi dernier la sœur du colonel Herbert, madame, » dit la fille. « Il est bien probable que vous en aurez entendu parler. »« Oh, mais oui, certainement. Je me rappelle maintenant. » On disait qu'il était le plus bel homme du monde, le colonel Herbert, je veux dire. Et c'est bien vrai. Il est plus beau, certainement, même que le major Allen. Ne trouvez-vous pas, Agnès ? Je ne connais pas le major Allen, ma tante. Vous ne connaissez pas le major Allen, mon enfant ? Oh, je me souviens, non, c'est vrai, vous ne le connaissez pas. Allons, levez-vous, j'ai fini. Le jeune homme, Agnès, dit-elle en se retournant vers sa nièce comme elle sortait de la boutique, me semble assez frappé par vos charmes. Je voudrais bien, mon enfant, vous voir renoncer à porter toujours ce voile épais sur votre figure. Il est très beau, ce voile, je le sais bien, et donne certainement à votre deuil une tournure fort élégante. Mais sans certains jeux de lumière, il vous déroberait à tous les regards. « Je ne vois pas que cela ait une grande importance, ma tante. Et si je suis si à l'aise avec... »« Fort bien, mon enfant. »« Fourrez-vous-le sur le nez tant que vous pourrez. »« Mais vous savez, vous tenez légèrement de la mule. » La veuve fut peut-être un peu désappointée de ne plus revoir les deux étrangers. Ils avaient tourné juste au-dessus de la boutique du pâtissier et n'étaient plus visibles. Nous la laisserons donc rentrer chez elle, bercée par les plus douces rêveries, et nous suivrons les deux gentlemen. Il n'y avait entre eux qu'une seule ressemblance, celle que donne la distinction à deux hommes de bonne compagnie. Sur tous les autres points, il était impossible de différer davantage. M. Stephenson, le plus petit et le plus jeune des deux, avait les traits fort réguliers. Il était vraiment beau. Son compagnon, le colonel Herbert, qui paraissait être son aîné d'au moins 10 ans, avait le teint bronzé d'un homme qui a vécu sous différents climats. Ses traits n'avaient rien de vraiment remarquable, excepté ses dents qui étaient fort belles, et son noble front, dont les cheveux commençaient déjà à se retirer quelque peu, quoiqu'ils fussent encore assez abondants pour former tout autour de sa tête de grosses boucles brunes. Mais il avait une stature et une tournure superbes, et tout son ensemble représentait si bien un soldat, en même temps qu'un gentleman, qu'il ne pouvait jamais passer inaperçu. Auprès des esprits indulgents, ceci pourra peut-être servir d'excuse à l'admiration de l'enthousiaste Mrs. Barnaby. Pour l'amour du ciel, Herbert, dit en cheminant le plus jeune au plus âgé. Quand je rencontre une jolie fille, laissez-moi faire connaissance avec elle. De ma vie, je n'ai contemplé une créature aussi belle. Sa tournure, son pied, la grâce de tous ses mouvements, et quel organe charmant. Je crois bien, dit le colonel Herbert. Avez-vous remarqué les tris harmonieux, la variété incomparable qu'elle a mise à dire? Non, merci, ma tante. Elle a dit cela d'une façon inimitable. Je ne m'étonne pas qu'elle ait excité votre admiration, Frédéric. Vous êtes un vieux, un odieux célibataire, Herbert. Un vieux, moisi, suranné, toujours prêt à se moquer. Je vous hais de tout mon cœur et de toute mon âme, s'écria le jeune homme. Ma parole d'honneur, je frémis à l'idée que dans une dizaine d'années, je pourrais arriver à être aussi dur, aussi froid, aussi insensible que vous. Voyons, dites-le-moi honnêtement. Pouvez-vous vous souvenir de ce que vous aurez fait éprouver la vue de cet ange en deuil auquel vous venez de m'arracher quand vous aviez 22 ans? Peut-être pas positivement. D'ailleurs, les anges noirs n'ont jamais été de mon goût. Bon, ne frappez pas du pied. Je vais vous répondre sérieusement. Depuis le temps béni où j'avais 16 ans, je ne crois pas avoir jamais été tenté de regarder aucune fille ornée d'un chaperon comme cette femme empanachée et couverte de falbala. Et au nom du bon sens, pourquoi leur avoir tant regardé cette femme au falbala? Si je réponds à cette question, Frédéric, je serai conduit à vous révéler une faiblesse particulière à ma famille. Une faiblesse dans votre famille. Confiez-moi cela, je vous prie. Je vous promets d'être discret. Et d'ailleurs, puisque mon frère vient de faire de votre sœur, comme le disent les journaux, une ravissante mariée, j'ai bien quelques droits à participer au secret de la famille. Allons, ouvrez-moi votre cœur. J'ai idée que je tiens de la sœur de ma mère. N'avez-vous jamais entendu parler de la singularité qui distingue ma respectable tante, Lady Elizabeth Norris? Elle avoue sans aucun scrupule, préférer à tout autre la société des gens qui l'amusent par leur ridicule. Oh oui, j'ai entendu Édouard dire cela. Et même, je vous avouerai en passant qu'il a été tant soit peu effrayé de ce que votre singulière tante appelle ses soirées antithétiques. Mais je ne pense pas à Bart, qu'uniquement pour plaire à cette vieille dame excentrique, vous avez l'intention de vous entourer des esprits les plus moqueurs. Pourquoi pas ? Non, mais je me sens plutôt disposé à regarder une femme particulièrement ridicule qu'une jeune nymphe placée sous sa protection. Une jeune nymphe ? Quelle expression saugrenue ! Une créature si élégante, si délicate ! Je vous jure, colonel Hubbard, que vous baissez considérablement dans mon estime. Vous manquez complètement de tact et ne comprenant pas qu'il doit y avoir, dans cet accouplement si choquant, un concours de circonstances tout à fait extraordinaire. Bon, Frédéric, vous pouvez avoir raison. Et puis qui sait, mon ami, si mes yeux ne commencent pas à me jouer de mauvais tours. Car, vous dire vrai, le voile de crêpe de votre adorable ne m'a pas permis d'apercevoir ses traits. Là, j'en étais sûr, s'écria Stephenson, que l'amant honorable de son compagnon transportait de joie. Je savais bien que vous ne pouviez pas ne point apprécier un pareil visage. Avouez que c'est une grande bénédiction que d'avoir de jeunes yeux, répliqua le colonel, reprenant son ton railleur. Comment ? Vous recommencez encore ? Tiens, tu n'es qu'un vieux marsargneux. Là-dessus, adieu. Au revoir, mon Coridon. Ils se séparèrent ainsi.